voilà l'objet. Que faut-il que j'en fasse? Oh, l'horloge! C'est bon, merci. Mettez ça là. Et maintenant, c'est celle-là que dans votre chambre l'on place. Dans ma chambre? Dans votre chambre. Vous n'avez qu'un mot à dire et je l'enlève. C'est un guet-apens. C'est un vrai. Est-ce dit, Seigneur? Oh, oui, vrai. Enlevez. Mais n'est-ce pas plus long? Goutte d'eau, grain de sable. Un coup sûr.